l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. %85 de la masse d'Ariane 5 au décollage est due au carburant, ou dites autrement, pour mettre en orbite 10 à 20 tonnes de fret, la fusée européenne doit embarquer 480 tonnes de poudre solide plus 220 tonnes d'hydrogène et d'oxygène, ou dit encore autrement, le carburant traditionnel, les ergols, ne pose pas que des problèmes de pollution, de coût, mais aussi de masse. Bref, depuis les débuts de l'ère spatiale, les ingénieurs tâchent d'inventer des solutions pour contourner ce problème central de l'aérospatiale. Or, ces solutions existent, et une toute nouvelle vient de pointer le bout de son nez, la fronde cinétique ou spin launch. Spin launch, un petit tour et puis s'en va, c'est le programme Frondeur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à cette nouvelle méthode encore expérimentale de propulser des fusées ainsi qu'à d'autres technologies qui permettent de faire l'économie des très chers, très lourds et très polluants ergols, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Mazouffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien des plasmas, directeur de recherche CNRS au sein du laboratoire ICAR à Orléans. Franck Plouraboué, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, chercheur à l'Institut de mécanique des fluides de l'Université de Toulouse. Et nous avons été rejoints à l'instant par Maxime Puteau, bonjour. Vous êtes conseiller industrie au sein du cabinet Euroconsult. Elle stratosphérise chaque jour l'actualité scientifique sans émettre le moindre gaz que l'on sache. C'est Natacha Trier pour le journal des sciences. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Neuroscience qui a identifié quels sont les neurones les plus vulnérables dans la maladie de Parkinson. Alors on sait depuis longtemps que les neurones dopaminergiques sont détruits dans la maladie de Parkinson. Pour la première fois, les chercheurs de Harvard ont cartographié l'ensemble des populations de neurones dopaminergiques et leur localisation. Alors dans un premier temps, ils sont allés regarder les caractéristiques génomiques de ces cellules, ce qui est transcrit dans les noyaux de ces cellules. Puis ils ont fait une comparaison des caractéristiques moléculaires des neurones chez l'humain, le macaque, le rat, la souris et un marsupial. Ils ont découvert qu'il existe une dizaine de populations de neurones dopaminergiques différentes. Puis dans un second temps, ils ont examiné les cellules cérébrales de 10 patients décédés de la maladie de Parkinson et de 8 personnes décédées mais en bonne santé. Ils ont identifié le sous-type de neurone qui est endommagé dans cette maladie. Maud Baudouin-Gobert est chercheuse postdoctorante au Centre de recherche de neurosciences de Lyon. La deuxième étape, ça a été de dire, bon, chez l'humain, on sait qu'il y a 10 populations de neurones différents, dopaminergiques différents, et on va se demander quelle est la population de neurones qui va être détruite dans la maladie de Parkinson. Donc ils ont fait encore cette approche-là chez les patients, sur des cerveaux de patients parkinsoniens. Donc toute cette étude a été menée sur des prélèvements de cerveau en post-mortem. Et ils ont pu identifier que dans les cerveaux de patients parkinsoniens, il y avait une population de neurones particulière qui exprime un gène particulier, qui est la population qui est majoritairement détruite chez les patients. Ça, c'est particulièrement intéressant de comprendre que donc cette destruction de neurones chez les patients parkinsoniens, elle touche pas tous les neurones, elle touche une population très spécifique parmi les neurones dopaminergiques. Et ça, c'est vraiment un résultat qui est très intéressant. Cette étude, elle montre que c'est cette population de neurones dopaminergiques à cet endroit-là, parce qu'ils expriment ce gène-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu voir que ces neurones qui exprimaient l'ARN de ce gène-là avaient aussi plein d'expressions, par exemple dans du stress cellulaire, de l'inflammation. Donc il y a probablement des mécanismes moléculaires d'inflammation qui se mettent en place. Donc ça ouvre aussi la porte sur des choses intéressantes en termes de thérapeutique, par exemple. Dans l'article, ils vont même jusqu'à dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mieux, on va dire, screener, c'est-à-dire trier les populations de neurones quand il y a des cultures de neurones. En fait, il y a certaines thérapeutiques qui sont développées, qui consistent à dire on va essayer de greffer des nouveaux neurones dopaminergiques pour les remplacer. Et là, ça permettrait finalement de faire le tri pour aller sélectionner vraiment la sous-population de neurones dopaminergiques qui est vraiment spécifiquement importante dans cette pathologie. Ça ouvre vraiment le champ vers toute la thématique de médecine personnalisée finalement. Donc cette démarche-là, elle n'est pas encore d'actualité, même s'il y a beaucoup d'études qui regardent la greffe de neurones pour améliorer. Mais finalement, on peut imaginer qu'à moyen terme, ça soit peut-être une stratégie thérapeutique proposée dans quelques temps. Voilà, et cette étude de Nature Neuroscience, vous pouvez la retrouver dans le texte, puisque nous vous avons posté, comme chaque jour, le lien vers l'étude ainsi que vers toutes les autres études du Journal des Sciences et bien d'autres sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, les niveaux de CO2 atmosphérique n'ont jamais été aussi élevés dans l'histoire de l'humanité. L'observatoire Mauna Loa à Hawaï mesure les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis 1958. À l'époque, les niveaux de dioxyde de carbone étaient en dessous de 320 ppm, 320 parties par million. En avril dernier, nous avons dépassé les 420 ppm. La dernière fois que la Terre a connu de tels niveaux de CO2 atmosphérique, c'était il y a environ 4 millions d'années, où le niveau de la mer était beaucoup plus élevé et où les températures mondiales étaient de 3 degrés plus chaudes. La NOAA précise que l'augmentation actuelle des niveaux de CO2 est 100 fois plus rapide qu'à n'importe quelle autre période géologique de notre planète. Hier, les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologiques ont annoncé que le manque d'eau risquait d'impacter les récoltes. Le blé, l'orge, le tournesol, la betterave et le maïs sont aujourd'hui en pleine croissance et ce mois de mai est un moment crucial pour les cultures. Mais le déficit de 25% de pluviométrie en avril et l'actuelle vague de chaleur qui s'écrase sur toute la France risquent d'affecter les rendements. Alors pour le moment, difficile d'avoir une évaluation précise de cet impact sur l'agriculture, mais 15 départements sont placés en vigilance ou en alerte sécheresse. Des mesures de restriction d'eau sont déjà mise en place. Et enfin, nous consacrerons d'ailleurs demain une émission entière sur la question des sécheresses éclairs. Ce sera demain à 16h. Pour terminer ce journal des sciences, dans une étude parue dans la revue Near Eastern Archaeology, les archéologues ont reconstitué le parfum de Cléopâtre. Oui, cette équipe internationale s'est appuyée sur des archives égyptiennes et des textes gréco-romains qui décrivent la recette de ce célèbre parfum, connu sous le nom de parfum mondésien. Sur le site archéologie de Tamui, en Égypte, les chercheurs ont fait la découverte des vestiges d'une usine de parfum vieille de 2300 ans. Grâce à la fluorescence X, ils ont réussi à déterminer les molécules présentes dans les bocaux et ont pu reconstituer les méthodes de préparation. Alors nous n'obtiendrons jamais la fragrance exacte, mais seulement quelque chose qui s'en approche. A priori, l'eau de Cléopâtre, recréée en laboratoire et à nouveau portée pour la première fois depuis des millénaires, est un parfum doux et épicé, je cite. Il est composé d'huile de date du désert, de myrrhe et de cannelle, dont l'effluve persiste pendant près de 2 ans. Merci Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. C'était il y a tout juste 2 jours une démonstration à l'échelle 1/3 du tout premier lancement du tout nouveau Spin Launch, soit une sorte de fronde géante qui permet d'expédier dans l'espace une charge sans utiliser le moindre carburant, juste de l'énergie électrique et cinétique. Et cet essai s'est soldé par une réussite que l'on peut apprécier visuellement puisque la charge était dotée d'une petite caméra. On mesure bien les force en jeu, c'est ce que raconte notre son du jour, extrait d'une chronique chez nos confrères d'Europe 1. Un test vient d'être effectué dans le désert du Nouveau-Mexique et apparemment, en plus, ça fonctionne. Le principe, alors, il est tout simple. On accroche un satellite à un câble, on le fait tourner très très très vite dans le vide, fronde, hein. Comme une fronde, et dès qu'il a suivi l'ambulette, on le lâche, il décolle. C'est comme une fronde, c'est comme le lancer de marteau en athlétisme, mais avec un satellite et avec des vitesses qui dépassent plusieurs fois la vitesse du son. Ça permet d'atteindre l'orbite sans fusée, sans carburant et sans aucune émission, puisque la rampe de lancement, hein, la fronde, est totalement électrique. Alors vous dites que ça a été testé. On a envoyé un satellite en orbite avec cette méthode. Alors non, pas encore. Pour le moment, on a testé qu'un lanceur prototype d'une centaine de mètres de haut, et on a envoyé qu'un petit objet d'une dizaine de kilos. Mais c'était avant tout pour valider le principe technique. Et le lanceur beaucoup plus grand est en construction. Il serait capable d'envoyer des charges de 200 kilos, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du poids de deux satellites. Alors vous allez me dire, 200 kilos, c'est pas beaucoup. Une grosse fusée peut facilement transporter plusieurs tonnes. Mais avec cette technologie, le coût d'un lancement serait divisé par 10, ce qui ouvrirait le marché du spatial à une toute nouvelle catégorie d'acteurs. Et les premiers lancements sont prévus en 2024. Qui est derrière cette technologie? C'est la société Spin Launch, une start-up qui a été créée en 2015, mais qui jusqu'ici était restée secrète avant ce test, certainement parce qu'ils voulaient pas qu'on les prenne pour des fous. Et d'ailleurs, c'est pas la seule à vouloir réduire les coûts du spatial. Il y a aussi les Anglais de B2 Space qui travaillent, eux, sur un ballon qui relâcherait une mini-fusée une fois qu'on est à très très haute altitude. Et là encore, l'idée, c'est de réduire les émissions de l'atmosphère pour s'assurer que les futurs envois de satellites seront non seulement moins chers, mais surtout beaucoup plus propres. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des tonnes de gaz toxiques qui sont rejetées à chaque décollage de fusée. Voilà, donc une présentation sommaire de ce projet Spin Launch. Peut-être une réaction simplement bien à cette présentation, également à ces différents tests qui ont permis d'expédier, de créer cette vidéo que l'on vient de vous poster sur notre fil Twitter, et on voit très très distinctement, puisqu'il y a eu donc encore une fois une caméra attachée à la charge, l'effet, disons, comme si on était embarqué dans cette machine. Flanque Plourabouet, pour commencer peut-être. Oui, tout à fait. J'ai regardé les films en fait qui ont été diffusés par le consortium sur le web, comme chacun peut le faire, et j'étais vraiment très impressionné par la technologie qui a été développée. Bien que ce soit une vieille idée, il faut remonter à Jules Verne par exemple pour cette idée d'utiliser un canon pour envoyer quelque chose sur la Lune. Là, c'est pas un canon, c'est une sorte de fronde, en effet, une sorte d'hélice en fait qui est intégrée à l'intérieur d'un dispositif qui est mis sous pression. Donc on dépressurise pour diminuer la densité du gaz à l'intérieur, de sorte qu'on diminue les forces de frottement pendant la rotation. Et ensuite, on atteint des vitesses quand même assez importantes, puisqu'elles sont de l'ordre de 5000 km/h. Et avec dans une fraction de seconde, c'est-à-dire qu'on a à peu près une milliseconde pour lâcher le projectile, qui doit ensuite passer dans un trou, sortir de la cavité, crever une sorte de petite membrane en fait qui permet de sortir de cette zone dépressurisée. Et ensuite, le projectile est en contact avec l'air. Et là, en fait, comme il est à très grande vitesse, il va se réchauffer très fortement. Donc tout ça fait beaucoup de physique complexe qui pourrait éventuellement perturber les objets, mais cette démonstration était vraiment très impressionnante. On va revenir sur la physique derrière, parce qu'effectivement il y a beaucoup de contraintes, mais avec peut-être toujours ce rapport bénéfice coût, et avec beaucoup de bénéfices également possiblement à la clé. Stéphane Mazouffre, votre réaction également à ces vidéos et à ces premiers essais de Spin Launch? Alors, il faut souligner, comme on l'a dit, la prouesse technologique, parce que c'était un réel défi. Mais peut-être une petite précision, parce que je ne crois pas que ça a été dit dans les reportages qu'on a entendus, et souvent les gens passent à côté. Il ne s'agit pas d'aller mettre en orbite directement la charge, en fait. L'idée est de remplacer le premier étage des lanceurs, on va dire celui qui fait les premières dizaines de kilomètres, qui brûle tout son carburant en une ou deux minutes. Et ensuite, la charge est équipée d'un système propulsif qui va terminer le voyage, donc l'équivalent du second étage des lanceurs, et aller mettre le satellite ou la sonde sur orbite. Ça, ce sera pour le projet final, puisque pour le moment, il y a pas du tout de moteur dans les premiers essais, mais qui sont, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, réalisés à l'échelle un tiers. Également, votre réaction, Maxime Puteau, à ces premières images et à ces premiers tests? L'étape de démonstration est intéressante. Après, moi, j'ai plus de doutes sur le modèle économique, mais techniquement, le prototype a l'air de fonctionner. C'est finalement une bonne nouvelle pour la société. Pourquoi est-ce que vous avez plus de doutes sur le modèle économique? C'est-à-dire que l'accélération que fait subir Spin Launch à son lanceur et satellite est unique dans l'industrie spatiale. On parle de 10 000 G au pic d'accélération. Or, aujourd'hui, aucun satellite n'a été conçu pour résister à de telles vitesses, ce qui fait que si on devait devoir lancer ce Spin Launch, on devrait finalement acheter un satellite compatible avec Spin Launch. Aujourd'hui, cela n'existe pas. Après, le PDG a dit qu'il avait mis son iPhone dans la centrifugeuse et que quelques petits tours plus tard, l'iPhone fonctionner donc finalement peut-être que les satellites doivent devenir des iPhones. Oui, alors on verra, parce qu'encore une fois ce premier prototype il n'est pas à l'échelle et je pense que l'accélération n'est pas tout à fait la même. Franck Plouraboué, la charge là sur la toute dernière sur le tout dernier essai, il est monté jusqu'à un peu plus de 7000 mètres dans une ascension de 82 secondes. C'est proportionnel, ou en tout cas c'est ce qu'on pouvait attendre une fois la mise à l'échelle, pour l'énergie suffisante pour pouvoir envoyer donc une charge utile, ou en tout cas une fusée, comme le rappelait Stéphane Mazoufre, suffisamment haut pour que le deuxième étage et pour qu'un moteur plus classique après prenne le relais. Oui, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. En fait, la mise à l'échelle et les calculs qu'on peut faire sur la quantité d'énergie cinétique accumulée, le frottement, etc., et la hauteur atteinte avant que le moteur se déclenche, ça ne fait pas de doute. Mais il y a effectivement d'autres éléments qui peut-être seront préjudiciables au développement de cette technologie. Alors, celui qui vient d'être évoqué là, à savoir l'énorme accélération que subit l'objet, 10 000 G, hein, comme l'indiquait votre invité, et ces 10 000 G, en fait, ça produit une force en fait sur le matériel, sur l'électronique et tout le système embarqué, qui est effectivement unique, et c'est pas évident que ce soit compatible avec tous les types de satellites qu'on voudrait envoyer, ça c'est clair. Puis il y a un autre aspect en fait aussi, il y a deux autres points qui peuvent poser question. Il y en a un qui est un petit peu laissé secret par la société, mais qui apparemment est une sorte d'idée particulière associée à ce dispositif, c'est que au moment du largage, on a en fait une très forte variation du moment cinétique, puisque une fois que la masse a quitté la fronde en contre-coup en fait subit une accélération, et cette accélération va créer des couples en fait à l'intérieur du système. Et apparemment, ils ont un système de compensation de ces couples très rapide qui peut répondre à la milliseconde. Donc ça, c'est un point difficile de savoir si ça sera faisable de le mettre à l'échelle, mais en tout cas, c'est un questionnement. Alors, c'est-à-dire créer des... Attendez, je vous arrête un instant. Excusez-moi, Franck Plouraboué. Ça va créer des couples, c'est-à-dire de quoi on parle exactement? C'est-à-dire qu'il y a la masse utile qui va être projetée, donc il y a une vitesse cinétique très forte, mais vous voulez dire qu'en retour, la fronde, elle aussi, subit une forme de recul de vitesse à peu près comparable? Alors, elle va subir effectivement une variation d'accélération cinétique et qui peut soit être compensée par un système de masse qui pourrait être intégré et qui aurait une dynamique rapide, aussi rapide que le lancement, c'est-à-dire de l'ordre de la milliseconde, ou bien elle va devoir l'encaisser en termes de couple. Et ce couple, c'est une sorte de force, et ça va créer des contraintes sur l'hélice qui tourne. Mmh. Donc ça a à voir avec la durabilité du lanceur, à quel point il sera capable d'encaisser à chaque lancement cette chose-là, ou à quel point en fait ils ont bien conçu le système sorte qu'il puisse compenser cette force. Bon, disons que ça, je pense que les gens qui ont pensé le système ont l'air d'avoir bien réfléchi à ça, et même s'ils ne communiquent pas dessus, je pense que c'est quelque chose qui a l'air à peu près contrôlable. Il y a un autre point qui est un petit peu évoqué dans les vidéos qu'ils envoient, c'est le fait que lorsqu'ils vont passer à l'échelle, le projectile sera plus à Mach 1 comme sur l'essai qu'ils viennent de réaliser, mais ils seront à Mach beaucoup plus grand que 1. Et à ce moment-là, en fait, il y a toute une question sur le frottement des ondes de choc qui vont se produire sur le projectile, qui peuvent, d'une part, modifier les transferts thermiques, puisque le frottement avec l'air va fortement impacter la coque. Donc évidemment, le satellite, il n'est pas directement en contact avec l'air, il est dans une coque qui le protège, heureusement, et donc il y a des matériaux aujourd'hui qui peuvent encaisser ces niveaux de température. Mais néanmoins, ce qui peut se passer, c'est que comme le frottement aérodynamique risque d'être instationnaire, la trajectoire pourrait ne pas être bien contrôlée. Donc ça, c'est quand même une question. On va continuer à discuter dans un premier temps de ce spin launch, des avantages, des inconvénients. On comprend bien qu'on est pour le moment toujours dans une phase de développement expérimental avant la mise à l'échelle et avant d'ailleurs les premiers lancements qui sont attendus ou en tout cas annoncés pour 2025. Mais on va également bien réfléchir à différentes techniques, différentes technologies pour réduire en tout cas la part de carburant qui est aujourd'hui essentielle à l'envoi de charges utiles en orbite. Tout au long de cette heure, vous allez voir qu'il y a d'autres options qui sont travaillées par l'industrie aérospatiale. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc à 16h20 de méthodes de propulsion aérospatiale alternative en compagnie de Stéphane Mazouffre, de Franck Plouraboué et de Maxime Puteau. Stéphane Mazouffre, pour continuer à discuter un peu de ce spin launch, quelle est l'ambition, puisque donc il faut bien comprendre, et vous avez eu raison de le rappeler tout à l'heure, que aujourd'hui la start-up Spin Launch, qui a gardé ce projet relativement secret alors qu'elle travaille dessus depuis 2015, annonce finalement 70% d'économie de carburant, parce que, eh bien, une fois de plus, l'ambition n'est pas de projeter directement une fusée en orbite, mais à peu près, disons, à 60 km d'altitude avant que des moteurs traditionnels prennent le relais et puissent placer les charges utiles en orbite basse. Aujourd'hui, est-ce que ce modèle-là paraît robuste? Quel type de charge pourrait emporter ce spin launch une fois mis à l'échelle? Est-ce que, bien, finalement, la baisse du coût annoncé est vraisemblable, ou en tout cas vous paraît cohérente? Comment est-ce que vous comprenez, est-ce que vous pouvez nous détailler finalement un peu les ambitions de ce projet? Les ambitions qu'on m'a annoncées sont clairement de réduire les coûts du lancement et de rendre l'espace plus accessible. Et ça rejoint en fait l'idée des lanceurs réutilisables. Donc en fait, on peut voir cette technologie comme une technologie compétitive par rapport à la réutilisation des lanceurs, que maîtrise par exemple très bien aujourd'hui la société SpaceX et que d'autres cherche à atteindre. Après, il y a quand même, alors le modèle économique, il est, je pense qu'aujourd'hui, il est encore difficile à établir, et je reste moi aussi sceptique, parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses. On a parlé par exemple de la fiabilité, de la durabilité du système en lui-même, hein, qui va être soumis à de fortes contraintes. Il va y avoir aussi la charge utile qu'on va pouvoir emporter, le type de charge utile qu'on va pouvoir emporter, peut-être l'adaptation de la plateforme, du satellite, pour pouvoir supporter par exemple les très fortes accélérations ou alors les ondes de choc et l'échauffement. Mmh. Donc c'est difficile aujourd'hui de vraiment dresser un bilan définitif, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que le coût d'un premier étage est absolument gigantesque. Donc, et on voit bien avec aujourd'hui l'apparition des constellations, des méga-constellations, que le nombre de lancements ne fait qu'augmenter. Et donc tout le monde cherche des technologies capables de réduire les coûts et de faciliter l'accès. Mmh. Donc, mais bon, il faut rester, je pense, optimiste, hein, et il faut tout essayer. Donc, mmh. C'est une très très bonne idée. Sur les coûts, la société Spin Launch parle d'un envoi donc qui coûterait 500 000 dollars, donc un demi-million de dollars, ce qui est effectivement une diminution, Maxime Puteau, par rapport à, allez, mettons, si on prend un envoi moyen d'Ariane 5, où on parle de, alors, ce ne sont pas les mêmes charges, c'est pas la même quantité de matériel qui est envoyé en orbite, ce sont même d'ailleurs pas tout à fait les mêmes orbites, mais néanmoins, pour un tir d'Ariane 5, c'est 170 millions de dollars. Là, on est à 500 000. C'est-à-dire, on est vraiment la diminution tarifaire est gigantesque. C'est vraiment un prix de rupture, en effet, Nicolas. Ouais. Puisque quand on regarde les prix qui peuvent exister aujourd'hui sur le marché, le mieux disant aujourd'hui, c'est SpaceX, qui, lorsque le lanceur est rempli, peut facturer jusqu'à 5 000 dollars le kilo. Donc, en effet, 500 000 dollars le lancement, c'est un prix de rupture, et qui est peut-être aussi la carotte qui est annoncée avec ce projet de rupture. Oui. Quel type de... Parce qu'on entendait tout à l'heure Franck Plouraboué dans le reportage, 200 kilos de charge utile. 200 kilos de charge utile, pareil, en termes d'aérospatial, c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule, alors, sans jugement de valeur, évidemment. En tout cas, c'est tout petit. Ça veut dire qu'on ne peut pas emporter, on ne peut pas envoyer de gros satellites. Et puis, on sait par ailleurs que plus, en général, les satellites sont gros, plus l'équipement embarqué est sensible ou fragile, et effectivement, peut-être pas à même de résister aux fameux 10 000 ou en tout cas aux ondes de choc et à l'augmentation de la température à l'entrée dans l'atmosphère, puisqu'on parle, je le rappelle, d'une chaleur qui pourrait monter jusqu'à 1600 degrés Celsius. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on enverrait finalement? On enverrait des CubeSats, des NanoSats, des petites charges comme ça, juste en orbite basse, puisqu'on vise les 200-250 km maximum? En effet, Spin Launch se positionne vraiment sur le créneau des micro-lanceurs qui est actuellement servi par des sociétés comme Virgin Orbit, Rocket Lab. Et en ce qui concerne les satellites, on peut penser qu'une solution aussi rapide, aussi peu chère, pourrait intéresser les acteurs commerciaux qui auraient besoin de lancer rapidement, ou probablement aussi les militaires qui peuvent être intéressés par un lancement extrêmement réactif. Flanque pour avouer sur cette question. Oui, je pense que c'est tout à fait ça l'idée. Hein. C'est des petits satellites pour des orbites basses. Hein. Et avec, évidemment, ce qu'on connaît, hein, c'est-à-dire l'idée d'avoir des constellations de satellites qui pourraient mapper l'ensemble de la Terre, ou bien des régions de la Terre qui, pour l'instant, ne sont pas bien accessibles. Donc, et à bas coût, bien sûr, hein, c'est ça l'idée. Quel est le bilan énergétique, Stéphane Mazouf, que l'on peut établir globalement finalement sur ce principe et sur ce système de Space Launch, puisque on l'a dit, donc néanmoins, même si on économise ce premier étage de la fusée qui est celui qui pèse le plus lourd et qui coûte le plus cher, bien on rajoute quand même des carburants chimiques pour la suite. Le lancement en lui-même, il a quand même un coût énergétique. Est-ce que là aussi le bilan est très très en faveur du spin launch, ou est-ce qu'il faut le temporiser un peu? La quantité d'énergie qu'il faudra fournir pour, on va dire, satelliser votre micro-satellite, elle ne change pas. Donc il faudra la fournir. Mais on est gagnant ici sur la manière dont on fournit l'énergie au véhicule pour atteindre la vitesse de satellisation. C'est-à-dire qu'on reste sur Terre, en fait. On n'a pas à embarquer l'énergie... tout le système qui va produire l'énergie et accélérer le véhicule. Donc le réel gain, il est là, en fait. On a une installation, elle est unique, elle est réutilisable, elle est alimentée directement, probablement en électricité sur Terre. Donc le gain, il est là. Le gain, il est, en fait, dans la réutilisation du système. Puisqu'en termes de quantité d'énergie, de toute façon, c'est la même, quel que soit à la fin, celle qu'il faut fournir, c'est la même. Donc je pense pas qu'on gagne tellement sur la partie énergétique, bien qu'on n'a pas à transporter le premier étage, hein, puisque ça fait office de premier étage. Par contre, c'est dans, effectivement, on l'a dit, la simplicité, la disponibilité, l'accessibilité, la réutilisation. Le gain, il va se faire ici. Et le fait, effectivement, qu'on n'utilise plus de carburant, donc probablement que sur un plan aussi écologique, on est gagnant. La NASA a passé un accord, le Space Agreement, le 6 avril dernier pour tester les envois en orbite basse. Est-ce que ça veut dire, Maxime Puteau, qu'on peut imaginer finalement, si maintenant qu'on a la preuve de concept, si la mise à l'échelle fonctionne, si finalement le système est économiquement viable, qu'on puisse imaginer justement d'obtenir, ou en tout cas de généraliser ces petits spin launch à différents endroits, puisqu'on a moins besoin d'être près de l'équateur. Et qu'on puisse se retrouver finalement avec des petites centrales de lancement qui seraient accessibles à des pays qui ne sont pas des grosses puissances spatiales, qui puissent là aussi continuer à bouleverser un peu cette économie spatiale qui a commencé à être bien chamboulée par le New Space il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Alors pour le coup, je serais peut-être beaucoup plus mesuré, puisque finalement cet accord avec la NASA, la NASA en conclut tous les jours des Space Act Agreements, c'est des accords de partenariat, c'est un échange de données, ça permet aussi de nourrir l'appétit de curiosité de l'agence et d'avoir en échange pour la société accès à l'expertise de ses ingénieurs. Sur la généralisation, si le concept fonctionne et est démontré, oui, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit répété et dupliqué par les compétiteurs. Après, à court terme, je crois beaucoup plus aux petites fusées classiques qui sont beaucoup plus à portée des pays qui souhaitent accéder à l'espace. Votre sentiment là-dessus, Flanque pour Aboué? Disons qu'on peut quand même être réservé sur la compatibilité de l'accélération produite par ces systèmes sur le matériel. Ça, c'est quand même une question qui reste en suspens. Alors, on peut aussi imaginer que les petits CubeSats aille vers des technologies qui se veulent compatibles avec 10 000 G en termes d'accélération. Ça, c'est une possibilité aussi, ça pourrait évoluer comme ça. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, si les marchands de satellites sont eux qui souscrivent leurs conditions aux lanceurs, alors ça va être compliqué. Mais en revanche, comme effectivement le modèle économique est en train de changer, c'est-à-dire que ces petits satellites sont aussi des petits satellites pas chers, à ce moment-là, peut-être que effectivement ce type de lanceur est adapté et il trouvera sa niche. Stéphane Mazouf. J'ai pas grand chose à rajouter, je crois qu'on vient déjà de tout dire. Un tout dernier mot, les premiers lancements commerciaux en 2025, compte tenu de ce que vous voyez là aujourd'hui, Stéphane Mazouf, ça vous paraît tout à fait crédible, c'est-à-dire que ce calendrier-là vous paraît tenable? Oui, le concept est démontré, après, donc ça laisse quand même 3 ans, ce qui est, je dirais, une durée qui me paraît correct. Tout dépend ce qu'ils vont chercher à lancer, en fait. On imagine qu'ils vont pas directement lancer un 200 kg. S'il s'agit de lancer un CubeSat et de faire vraiment une démonstration, ou peut-être même quelque chose de motorisé, un microsat motorisé pour montrer qu'on peut aller le satelliser, je pense que l'échelle de temps est correcte. On va continuer à discuter non pas seulement du spin launch mais des méthodes de propulsion alternatives, car vous l'avez entendu, la propulsion ça coûte cher, ça pèse lourd, c'est pour le moment ce dont on dispose de plus efficace, mais ça n'empêche pas de faire des recherches pour essayer de trouver d'autres solutions, et c'est ce dont nous allons parler dans la deuxième partie de l'émission dans quelques secondes musicales. Both sides, in softly came the growl from both sides. And if his whisper splits the mist, just think of what he's capable of with his kiss. Nice try. Catapulte des Arctic Monkeys à 16h32 sur France Culture, puisque c'est ce dont il était question dans la première partie de l'émission. Nous examinons aujourd'hui les différents systèmes de propulsion alternatifs aux systèmes et aux moteurs à chimie classique. Nous en parlons avec Stéphane Mazouffre, qui est physicien des plasmas, directeur de recherche CNRS au sein du laboratoire ICAR à Orléans, avec Franck Plouraboué, qui est directeur de recherche CNRS, chercheur à l'Institut de mécanique des fluides de l'Université de Toulouse, et Maxime plutôt conseiller industrie au sein du cabinet Euroconsult. Alors après le spin launch dont il était question il y a quelques minutes, l'autre substitut aux ergols et aux carburants conventionnels pour la propulsion des fusées, ce sont les voiles solaires. C'est un tout autre système qui ne peut être déployé que depuis l'espace. Nous y avions consacré une émission entière il y a 3 ans maintenant. Bonjour Alexandra Delmo. Bonjour Nicolas. Il paraît que cette émission a donné des idées à des entrepreneurs. Oui, à Gamma Space, j'ai rencontré Louis de Gouillon-Matignon, PDG et donc fidèle auditeur, et Constantin Bauda, ingénieur. Les voiles solaires utilisent donc la pression radioactive du soleil comme propulsion. Et j'ai pu assister au premier test de déploiement de leur voile. Celle-ci n'a pas de main. Elle va s'étendre grâce à la force centrifuge du moteur du satellite et grâce à des poids. On parle de déploiement spiné. Et ce premier test a pour objectif de déterminer tous les paramètres nécessaires à son déploiement, pour l'instant sur Terre. Et le premier lancement, dans l'espace cette fois, devrait avoir lieu en octobre cette année. La voile solaire, elle a pas mal d'avantages, et notamment le fait qu'elle n'embarque pas de carburant, ce qui permet d'avoir des satellites qui sont plus petits, et donc moins chers à envoyer dans l'espace, et ensuite plus faciles à opérer. Le seul petit désavantage qu'elle a, c'est qu'elle est plus complexe à manipuler, il faut développer des softwares vraiment poussés pour pouvoir manipuler la voile solaire et optimiser un maximum les trajectoires. Mais je crois que vraiment l'avantage qu'on a par rapport aux autres types de propulsion, c'est qu'on n'embarque pas de carburant. On est comme vraiment un voilier sur les mers, là vraiment on est un voilier dans l'espace qui se sert de la pression radiative pour pousser nos charges utiles. Alors là, on est dans la partie de Gamma qu'on appelle l'atelier. Cette zone-là, elle nous a permis de faire tous nos tests pour préparer l'assemblage de la voile et la fabrication. Et là, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un banc de tests qui va nous permettre, dans un premier temps, de valider notre séquence de déploiement de voile. Puis ça va être aussi de recueillir un maximum de données pour pouvoir au mieux gérer le déploiement une fois dans l'espace. Et la différence avec les autres voiles solaires qu'on connaît, c'est qu'elles n'utilisent pas de mains, justement, et qu'elles utilisent cette force spinée, donc la force centrifuge, pour pouvoir se déployer. Exactement. Donc en fait, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on économise la masse sur ces bras eux-mêmes, mais aussi sur leur mécanisme de déploiement, puisqu'on aurait besoin de moteurs supplémentaires. Et surtout, on est très vite limité dans la taille de voile qu'on peut atteindre avec ses bras. Donc là, en fait, on nécessite uniquement d'avoir une masselotte au bout. C'est cette masselotte qui, plus elle va s'éloigner du centre du satellite, va créer une force. C'est la force centrifuge. Et donc, on n'a pas besoin de système supplémentaire pour le déployer. Et donc, en théorie, on pourrait déployer des voiles avec des bras immenses, des surfaces immenses. Et c'est l'avantage d'utiliser la méthode qu'on dit « spinner ». Donc la première phase du déploiement, c'est une phase qu'on appelle en croix. Et on a donc les quatre pétales qui vont sortir, mais qui vont encore être pliées sur elles-mêmes. Donc là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est la préparation pour déployer les quatre bras. Donc les quatre bras, ils font environ 6 mètres. Et chaque bras, en fait, contient deux demi-pétales de trapèzes différents. Au centre, on a le satellite. Et plus précisément, on a ce qu'on appelle le hub, donc c'est le moyeu. Donc ce cylindre, en fait, il contient la voile qui a été pliée et enroulée. Et elle est maintenue par quatre tiges. Et en fait, ces tiges vont permettre de contenir ces bras lors de la première phase de déploiement. Nous, sur Terre, on ne peut pas représenter, on ne peut pas faire un banc de test simple en faisant tourner quatre bras de 6 mètres. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va simuler cette force centrifuge. Donc tout le banc de test est fixe. On se place dans le repère du satellite. Et simplement, on a supprimé les masselottes qui vont tourner dans l'espace, qui vont créer cette force centrifuge. On les a remplacées par des chariots. Sur ces chariots, on peut observer plusieurs choses. Qu'il y a le dynamomètre qui va nous permettre de faire la lecture de la force pour savoir quelle est la charge nécessaire pour déployer ses bras. Et on a également une caméra qui va filmer la position du curseur du dynamomètre, mais aussi la position du chariot sur ce long bras du banc de test. Donc chaque petite marque jaune sur les quatre bras du banc de test. Donc Thomas, il va actionner le moteur du moyeu, disons de 45 degrés, et nous, de notre côté, on a calculé pour 45 degrés de rotation du moyeu central qui contient la voile pliée, ça correspond à tant de longueur de bras sortis. Et à ce moment-là, les opérateurs qui sont en charge de bouger les chariots, ils vont reculer leur chariot de la longueur qui correspond. Ce qui va nous permettre en fait de connaître la force nécessaire pour extraire chaque bras de ce moyeu central autour duquel la voile pliée est enroulée. Donc là, en fait, ils sont en train de cacher la caméra pour les synchroniser. C'est le clap qu'on a entendu. Comme ça, justement, au post-traitement, on pourra savoir précisément le même moment, en fait, sur chaque film pour pouvoir tout synchroniser. Donc là, on va y aller. Il va y avoir une première rotation du moteur. Donc là, ça y est, en fait, on voit le cylindre noir tourner. Et dans le même temps, on voit les quatre opérateurs tirer et compenser, en fait, la longueur déroulée. Là, on voit le travail des sacs qui permettent de compenser la gravité, qui permettent à la voile de ne pas frotter sur le banc de test. Chaque opérateur donne une valeur de position et une valeur de force, ce qui nous permettra ensuite d'avoir un graphique avec en ordonnée la force, en abscisse la position, ce qui nous permettra en fait d'avoir une courbe qui décrira en fait la force nécessaire pour déployer chaque longueur. Là, on va déployer donc plus de 5 mètres, quasiment 6 mètres comme ça. Et à la fin, une fois qu'on a atteint ces 6 mètres, on va libérer les tiges qui sont au centre pour avoir le déploiement complet. Là, vraiment, l'importance de ce test, ça va être de montrer que la séquence fonctionne en fait, puisqu'on ne l'a jamais testé avec une voile de la taille finale, ni avec le matériau final. Quelles sont les prochaines étapes après ce test-là et après avoir traité toutes ces données pour en tirer justement les paramètres de déploiement ? Là, on est en train de terminer le software qui va nous permettre de contrôler la voile une fois dans l'espace. Et on est en parallèle en train de préparer un vol en 0G, c'est-à-dire un vol où on va faire des paraboles et où on va recréer les conditions de la microgravité pendant quelques secondes. Et ensuite, on va avoir notre lancement au mois d'octobre et on aura et notre hardware et notre software qui seront prêts pour un déploiement nominal et pour la première démonstration de notre voile solaire Gamma. Et là, les prochaines grandes étapes, c'est vraiment essayer d'aller voir les différents acteurs type agences spatiales et organismes publics pour pouvoir faire vraiment de la science low cost dans le système solaire. Et je pense que la prochaine grande étape de développement de Gamma sera de trouver comment utiliser des sources de lumière artificielle, notamment via des lasers, pour pouvoir pousser un petit peu plus les voiles que la simple lumière du soleil autour de la Terre. Donc voilà, les perspectives sont immenses et l'objectif c'est vraiment de nous rapprocher un maximum de tous les différents corps célestes au sein du système solaire et de révolutionner le transport spatial sur longue distance. Voilà, deux projets, deux ambiances, hein, après le spin launch qui propose donc d'envoyer à la manière d'une fronde une charge utile depuis la Terre. Voilà bien des travaux actuels sur le développement des voiles solaires. J'aimerais peut-être entendre votre réaction à tous les trois sur bien tous ces travaux, puisque les voiles solaires aussi, ça n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Ça fait plusieurs années que différentes entreprises et différents laboratoires travaillent dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver à une forme de maturité pour cette forme de locomotion ? Est-ce que tout ça est encore très théorique ? Est-ce que ça demande encore à être renforcé ? Quel est votre sentiment, Stéphane Mazouffre ? Alors l'aspect théorique est parfaitement connu, hein, comme vous l'avez dit, depuis déjà des décennies. Il y a eu des tentatives, et certaines ont été couronnées de succès, de déploiement de voiles en orbite basse, mais il y en a eu très peu. Il y a eu notamment les projets japonais. Mm-hmm. Je crois que ce qui est nouveau, c'est de voir déjà une entreprise s'y intéresser et essayer de développer ce système propulsif avec finalement la même idée que celle du spin launch, mais cette fois-ci, une fois qu'on est dans l'espace, c'est-à-dire comment se passer de propulseur et de carburant pour déplacer son véhicule. Et donc là, l'idée est d'utiliser, au moins pour commencer, le flux lumineux mm-hmm. produit par notre étoile, c'est-à-dire le Soleil, parce que c'est gratuit finalement, donc on reçoit la quantité de mouvement des photons, des grains de lumière du Soleil, et c'est ça qui fait avancer la voile. Donc là, Louis de Gamma Space l'a très bien expliqué. Donc, on a progressé, on commence à voir une industrialisation et d'autres startups commencent à se lancer ailleurs sur la planète. Par contre, les défis encore à relever de la propulsion par voile solaire sont quand même encore très importants, et c'est pour ça qu'il y a eu peu de tentatives qui ont réussi. Et notamment, ce qui est très très bien, je crois, expliqué dans le reportage, c'est le déploiement de la voile, qui est véritablement une étape critique. Je dirais, une fois que la voile est déployée et mise en service, on a fait le job. Mais cette étape de déploiement est très très très complexe, parce qu'on imagine une voile de centaines de mètres carrés pliée dans une demi-boîte à chaussures qu'il faut déplier sans la casser, voilà. On a pu le voir, alors c'était pas exactement pour des voiles solaires, mais on a pu voir le déploiement des boucliers thermiques du James Webb Space Telescope qui a été fait, où on attendait vraiment ça avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'impatience, parce que c'est le même type de déploiement dans l'espace sur des grandes grandes surfaces, Stéphane Mazouffre. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme expliqué, la technique classique, c'est de déployer des bras, des grands bras, et la voile va suivre. Et c'est complexe, il faut des moteurs, les bras peuvent se bloquer, ça prend beaucoup de place et de masse dans le satellite. Et là, l'idée proposée par Gamma Space est assez innovante, parce qu'on va déployer, comme dans le spin launch d'ailleurs, avec une force centrifuge. Donc on va faire tourner le satellite sur lui-même, et la force centrifuge va étirer la voile sur des rails. Donc c'est ce qui est aujourd'hui testé chez Gamma Space, qui va bientôt être testé en 0G, et puis à la rentrée, voilà, Gamma Space prévoit une première mission qui a pour but justement de prouver leur technologie de déploiement. Vous évoquiez, Stéphane Mazouffre, la mission japonaise. C'était le projet Icaros de la JAXA qui était envoyé en 2010. Et mine de rien, enfin, le problème effectivement avec cette méthode de propulsion, c'est que elle est très très lente, mais on peut tout de même arriver, Franck Plouraboué, à des vitesses intéressantes si on dispose d'une surface de voile proportionnellement plus importante ou en tout cas relativement grande par rapport à la charge utile. Un mot sur l'avancée justement aujourd'hui technique et technologique de la maîtrise de ce mode de propulsion. Oui, alors comme le disait Stéphane, en fait, dans cette propulsion, en fait, la partie difficile, c'est le déploiement. Hein, ça fait penser à cette transformation des nymphes en papillons. Et une fois que les ailes sont déployées, eh bien, le système peut voler. Et donc, votre question, en fait, pour le Zipder, il faut préciser que dans l'espace, en fait, la grosse différence entre l'espace et l'atmosphère, c'est qu'il n'y a pas de frottement dans l'espace. Et donc, à partir du moment où on peut accumuler de l'énergie à partir des grains de lumière envoyés par le soleil, qui ont eux-mêmes, c'est une sorte d'énergie. Cette énergie, en fait, elle peut conduire à augmenter indéfiniment la vitesse du satellite parce qu'en face, il n'y a pas de frottement. Et donc, ce qui est évoqué dans le reportage, c'est que non seulement on pourrait faire ça. Alors oui, alors ce qu'il faut aussi préciser, c'est que plus on s'éloigne en fait de l'astre, plus l'angle solide dont on peut profiter pour récupérer la lumière s'amenuise. Et donc, moins l'énergie peut être importante. Mais on peut éventuellement compenser cet effet en tirant dessus avec des lasers, ce qui est évoqué dans votre reportage. Mmh. Et donc, si on tire dessus avec des lasers, on peut accumuler suffisamment d'énergie pour amener à une grande vitesse. Donc, je pense que c'est ça qui pourrait être l'avenir pour augmenter la vitesse de ce type de voyageurs dans l'espace. Ça fait penser au projet Breakthrough Starshot qui avait été initié par le russe Yuri Milner et soutenu également par Stephen Hawking, qui proposait en l'occurrence d'envoyer et de propulser justement grâce à des lasers tirés depuis la Terre un essaim de tout petits, de micro-satellites avec des toutes petites voiles solaires. Aujourd'hui, Maxime Puteau, si on regarde ça d'un angle pratique, cette technologie, elle est mûre, on est prêt justement à la développer, à la déployer beaucoup plus, ou il reste encore non seulement des inconnus, mais il reste encore du travail, il reste encore de la preuve, il reste encore de la science à faire pour pouvoir rendre cette technologie tout à fait fiable et efficace. Mais il reste de la démonstration, et puis derrière il restera aussi l'acceptation par les clients potentiels, puisque finalement c'est une solution de mobilité parmi tant d'autres dans l'espace. Et Franck et Stéphane l'ont dit tout à l'heure, c'est une propulsion qui est relativement lente. Et quand on est dans un acteur du spatial commercial, le temps c'est de l'argent, et des fois se déplacer rapidement, même si ça coûte plus cher, ça peut être aussi intéressant. Donc le choix des voiles solaires, c'est à mettre en balance avec plein de paramètres différents. Quel type, Maxime Puteau, d'objets on pourrait propulser grâce à ces voiles solaires? Parce qu'on voit bien que à chaque type de propulsion correspond une charge ou en tout cas une utilité différente. Quel type d'usage on pourrait avoir pour ce type de propulsion selon vous? Alors c'est particulièrement intéressant pour les sondes en espace lointain. On est sur des temps de mission qui sont relativement longs, donc on peut en général se permettre et puis de voler plus longtemps, et puis plus on va loin, plus on nécessite d'énergie de lanceur, donc ça peut être aussi un moyen d'économiser sur le lancement. Moi je pense aussi à un autre usage, on parle d'accélération, mais ça peut être aussi un moyen de faire aussi retomber les satellites qui sont en orbite basse, en les équipant de voile, on les ralentit plus rapidement et on nettoie aussi les orbites. Il y a d'autres usages qui sont envisagés. Sur ces grandes surfaces, on pourrait les transformer en antennes, pas uniquement les utiliser pour des voiles de propulsion, mais antennes pour communiquer avec la Terre, ou même pour héberger des panneaux solaires flexibles. Ça aussi, ça peut être intéressant pour augmenter la surface disponible. Mmh. Franck Plouraboué, justement, sur la nature de ce que l'on pourrait confier justement à ce type de propulsion à voile solaire? Oui, on peut tout à fait imaginer des missions d'espace lointain, hein, comme ça a été indiqué dans le reportage, l'exploration du système solaire, ou bien peut-être certaines missions avec Mars, éventuellement, sur des distances plus courtes. Mmh. Stéphane Mazouffre? Oui, des missions en orbite lointaine, des missions d'exploration interplanétaire. Et comme l'a rajouté Maxime à juste titre, on peut aussi envisager les voiles pour décélérer et donc comme système de désorbitation, ce qui s'inscrit d'ailleurs probablement dans le cadre de la gestion des débris ou des satellites en fin de vie. Donc c'est un moyen passif, donc il ne nécessite pas de système propulsif, de moteur et de carburant pour peut-être mieux gérer les débris et les satellites en fin de vie. Donc ça aussi, c'est une piste à explorer avec ce type de système. Un autre système qui a eu un regain d'intérêt il y a une dizaine d'années, alors qu'il a été développé il y a un certain temps, c'est la propulsion ionique. Flank Plouraboué, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que d'un seul coup, parce que là aussi on parle d'une poussée qui n'est pas une poussée très très puissante, mais qui est une poussée constante et à moindre coût, notamment comparé à la propulsion chimique. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ce regain d'intérêt est arrivé il y a une dizaine d'années pour la propulsion ionique ou électrique ou à plasma en fonction, ces trois façons de l'appeler? Oui, alors d'abord, je réponds à votre question, c'est-à-dire pourquoi? Bien parce qu'aujourd'hui, il y a un appel de la propulsion électrique à la fois dans le spatial, mais aussi dans la propulsion atmosphérique. Airbus, par exemple, a lancé son avion électrique. Il y a d'autres compagnies qui développent des avions à propulsion électrique. Et donc, tout type de propulsion qui pourrait être électrique est intéressante. Alors ça, c'est le premier point. Par ailleurs, en fait, cette propulsion, elle est nouvelle dans le concept parce que, contrairement à la propulsion électrique pour les avions, qui utilise certes l'énergie électrique, mais qui propage, qui permet la propulsion à travers des systèmes classiques comme des hélices ou bien des turbofans, cette propulsion-là, en fait, elle est électrique dans son concept. Il s'agit de créer des charges dans l'atmosphère et ensuite, à travers un champ électrique, ces charges sont accélérées et ces charges qui sont accélérées vont venir rentrer en collision avec les ions neutres du gaz, c'est-à-dire les ions de l'air, et les mettre en mouvement. Et c'est ce mouvement de l'air qu'on appelle du vent ionique. C'est ce vent ionique qui permet la propulsion. Alors ça, ce vent ionique qui permet la propulsion quand les ions qui sortent du moteur peuvent rencontrer un gaz et produire de la propulsion donc dans l'atmosphère, comment ça marche dans l'espace ? Alors dans l'espace, les technologies de propulsion sont en fait similaires mais en même temps complètement différentes. C'est-à-dire que il y a un générateur de charge, un endroit où on récupère des charges et ensuite on les accélère avec un champ électrique, ça c'est la même chose. La chose qui est différente, c'est que l'énergie qui est produite par l'impulsion résulte en fait de l'accélération des charges qui ne voit aucun frottement et aucune collision avec ce qui est autour, parce qu'on a du vide autour. Oui. Et ça, alors, Stéphane en parlera bien mieux que moi. Il y a plein de technologies pour faire ça, plein de types de choses qui ont été développées. Et c'est en fait cet engouement de la propulsion électrique côté satellite qui est devenu maintenant le mécanisme dominant en fait dans l'ensemble des technologies qui sont utilisées pour les propulsions satellites. Alors Stéphane Mazouffre, racontez-nous un peu mieux pourquoi ce regain d'intérêt et surtout comment la technologie a permis d'augmenter finalement le rendement de propulsion, puisque on avait difficilement 1% de l'énergie électrique utilisée convertie en propulsion et a priori maintenant on arrive à convertir un peu plus que ça. Oui, tout à fait. Franck a bien expliqué le principe, que ce soit dans l'atmosphère terrestre où là on vient effectivement échanger l'énergie avec les molécules de l'atmosphère, et puis dans l'espace, c'est directement l'ion qui emporte de la quantité de mouvement, donc qui en donne aussi au véhicule. Alors le regain d'intérêt, il vient du New Space, c'est-à-dire que des gens ont pris le pari, hein, c'est pour ça qu'il a une dizaine d'années, mais il vient aussi du fait qu'on a disposé de deux choses. D'une part, de propulseurs plus puissants, qui ont permis de réaliser des transferts d'orbite, et donc de se passer de propulseurs chimiques. Et aussi, on a miniaturisé ces systèmes. Donc aujourd'hui, on a des systèmes qui logent dans ce qu'on appelle un U. Donc le U, c'est l'unité de base en propulsion, c'est l'unité de base pour les cul-de-sable. C'est un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc c'est tout petit, c'est une grosse tasse à café. C'est un mug. Donc on a maintenant des systèmes complets, hein, qui sont capables de s'insérer dans un U. Donc ils peuvent être insérés sur des petits satellites. Alors quel est l'intérêt, en fait? C'est qu'en propulsion électrique, comment on est capable d'éjecter des particules à très très grande vitesse, on parle de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres par seconde, eh bien on peut montrer que le fait de les éjecter très vite réduit considérablement la masse de carburant dont on a besoin, qui est le principal problème des moteurs chimiques, c'est que les moteurs chimiques marchent très bien, mais il leur faut énormément de carburant. Et donc aujourd'hui, on a drastiquement réduit la masse de carburant, donc on a drastiquement réduit la masse et le volume des systèmes propulsifs, ce qui explique d'ailleurs toute l'expansion des constellations, des CubeSat et du New Space. Et pour répondre à votre question, Nicolas, en ce qui concerne le rendement, c'est vraiment, je pense, des décennies de travaux théoriques, empiriques et de tests en laboratoire et chez les industriels qui ont permis d'augmenter les rendements. Parce que vous l'avez dit à juste titre aujourd'hui, les très gros moteurs ont aujourd'hui des rendements qui vont jusqu'à 80%. Mais aujourd'hui, par ailleurs, des moteurs ioniques équipent certaines sondes. Je pense à BP Colombo, par exemple. C'est-à-dire que c'est les premiers moteurs ioniques, en tout cas, sont déjà en service et ont déjà montré leur efficacité sur un certain type de mission. Stéphane Mazouffre. Oui. Deep Space One, la première, oui. C'était en 1996. Si on oublie celle des années 70, parce qu'en fait, ça a déjà volé dans les années 70. Depuis les années 70, ça vole. Les premières missions un peu ambitieuses, c'est effectivement... Enfin, la première, c'est Deep Space One. Et puis, il y a eu la mission Dawn vers des protoplanètes. Il y a maintenant, effectivement, BP Colombo, dont une partie du système est équipée de propulsion électrique. Mais aujourd'hui, par exemple, la fameuse constellation Starlink de SpaceX, dont tout le monde parle, a des satellites qui contiennent uniquement de la propulsion ionique. Tous les satellites sont propulsés par des moteurs ioniques, qui concernent Starlink. Ce qui voudrait dire, pour conclure cette émission, que finalement, alors on n'a pas encore parlé de la propulsion nucléaire, parce que la propulsion nucléaire, bon, elle est plus hasardeuse, la propulsion nucléaire telle qu'on la rêverait nécessiterait qu'on maîtrise la fusion plutôt que la fission, pour éviter évidemment les problèmes d'irradiation. La question finale que je voudrais vous poser à tous les trois, c'est qu'aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on peut imaginer en tout cas un futur proche de l'exploration spatiale et de l'aérospatiale, où finalement, à chaque type d'objectif, que ce soit de mise en orbite, de voyage spatial, de mission particulière, correspondra finalement une forme de lancement ou de propulsion différente, qu'on ait une forme de gamme où on conserverait certainement évidemment la propulsion chimique pour les plus grosses missions, mais où petit à petit cette propulsion chimique pourrait se substituer cas par cas à d'autres formes de propulsion. Qu'en pensez-vous, Maxime Puteau? Oui, tout à fait. Nous, on voit vraiment se développer un écosystème de logistique spatiale où finalement, on est en train de casser le couple traditionnel un lanceur, un satellite. Oui. Et on voit tout un ensemble de services en orbite se développer qui chacun feront appel à des propulsions des propulsions différentes pour répondre à des besoins différents. Donc, c'est vraiment le chemin de l'histoire. La question qui se pose, c'est évidemment quelle technologie gagnera. Mais aussi les contraintes de coût et de rapidité qui s'imposeront à l'industrie. Vous pensez vraiment qu'une technologie gagnera sur les autres, ou en tout cas qu'à terme, on finira peut-être d'ailleurs avec des technologies dont on n'a pas parlé aujourd'hui et qui restent à découvrir, mais par abandonner complètement la propulsion chimique ? Non, je pense qu'en fait, la propulsion chimique est en train de se réinventer. Il y a énormément de changements en ce moment au niveau des composants, au niveau des techniques de fabrication. L'impression 3D révolutionne cette technologie. L'utilisation de batteries dans les moteurs pour les turbopompes change aussi la donne. Je crois beaucoup plus à une réinvention de cette technologie plutôt que la substitution par des technologies qui aujourd'hui restent embryonnaires telles que celles qui est développée par SpinLaunch. Franck Plouraboué, votre sentiment à ce propos justement sur le futur de la propulsion en fonction des objectifs? Moi, je crois vraiment à la diversification des mécanismes et à la complémentarité. Dans l'aéronautique, en fait, c'est une tendance qu'on voit beaucoup. On parle de propulsion distribuée, c'est-à-dire une propulsion résulterait de plusieurs moteurs distribués le long de l'appareil plutôt que d'un seul gros. Et par ailleurs, on peut imaginer aussi des propulsions qui soient complémentaires, à la fois des propulsions pour le démarrage de l'avion, compensées par ensuite des propulsions électriques ou bien par vent ionique. On peut imaginer des choses diverses avec une propulsion plus complexe et plus adaptée et plus économique. Stéphane Mazouffre, pour conclure, par exemple, il y a un auditeur ou une auditrice d'ailleurs sur Twitter qui nous indiquait tout à l'heure à propos de SpinLaunch en disant, mais pourquoi ne pas utiliser finalement ce SpinLaunch pour envoyer du matériel qu'on assemblerait plus tard en orbite dans l'espace pour de futures, je ne sais pas, stations spatiales, puisque si c'est des matières premières ou des pièces préfabriquées, ben, ça craint pas les accélérations de 10 000 G, et donc ça pourrait être un élément pour finir par construire des choses en orbite directement. C'est pas idiot. Non, c'est tout à fait possible, hein. Si ce sont des charges utiles simples, je pense que le SpinLaunch, s'il tient ses promesses, c'est tout à fait adapté. Et pour rejoindre ce que disaient Franck et Maxime, c'est-à-dire que je pense qu'on va effectivement, on va garder toutes les technologies qui sont vraiment complémentaires. Il n'y a pas une technologie qui va prendre le dessus, mais pour tel type de mission, par exemple le vol interplanétaire ou les missions scientifiques, peut-être la voile solaire, pour le maintien des constellations, la propulsion ionique, pour envoyer des hommes dans l'espace depuis le sol terrestre, la propulsion chimique ou la propulsion chimique nucléaire. Donc les technologies évoluent, mais elles resteront toutes complémentaires les unes aux autres. Eh bien, merci en tout cas à tous les trois d'être venus pour nous permettre de faire un tour d'horizon de ces futures technologies et actuelles de propulsion. Merci Stéphane Mazouffre, merci Franck Plouraboué, merci Maxime Puteau d'avoir participé à cette émission. La méthode scientifique, c'est comme chaque jour Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Natacha Triot, Alexandra Delbault, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur le tout nouveau site franceculture.fr, que nous espérons qu'il vous plaise. Vous pouvez nous en parler d'ailleurs sur notre fil Twitter, et ce à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.